On est tous sous le joug des mêmes forces qui se manifestent à travers des instances planétaires, si on peut dire. Puis, je suis pas mal sûr que au mois d'octobre, nous allons avoir une guerre. Une guerre, c'est là qu'il va falloir être solide. Pas se laisser aller au désespoir puis au fatalisme. Parce qu'une guerre, on ne sait jamais quand ça finit. Puis des fois, bon. Ça peut être. Mais il reste que, comme Aurobindo, je pense que parfois la violence s'est ajustée. Même. Donc, ben, si c'est ajusté, ça veut dire que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, ça veut dire que ça devient ajusté. Mais c'est le contexte. C'est le contexte qui fait que quelque chose est ajusté ou pas. Mais regardez de la façon dont l'Inde a été. Accompagné dans son indépendance par l'Angleterre. Il y a quelque chose là d'un jeu de dupes. Prenez la création du Pakistan. Comment c'est allé loin dans l'horreur, parce que là, c'est de la violence, mais sans conscience, de la violence inintelligente. Aujourd'hui, le Pakistan a l'arme atomique. Ça va mal finir, hein, tout ça. Si jamais il y a une guerre, le Pakistan va être du côté de l'Iran, probable. L'Inde va être du côté des anciens maîtres. C'est sûr. En tout cas, je ris, mais c'est un petit peu. Je ris jaune, là. C'est un petit peu nerveux parce qu'on voit venir des choses. Ce ne sera pas drôle. Puis ça va être difficile parce que là, c'est de l'intégration collective, entre autres, à ce niveau-là. Donc, imaginez la charge de souffrance qui s'en vient. Il va falloir être solide.